Bon vendredi à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. On est avec vous jusqu'à 18h30 pour plonger, comme à tous les vendredis, dans l'univers du 9e art. Et un univers qu'on va décrypter, analyser, discuter sous différents angles, dans différentes perspectives. Notamment en deuxième moitié d'émission, Michel Giguère sera avec nous pour jaser de l'autobiographie en bande dessinée. Il y en a des masses, il y en a beaucoup, et Michel a décidé de faire un ménage de tout ça en préparation d'un rendez-vous de la BD qui aura lieu mercredi prochain, et ben il nous a proposé de venir en jaser, décrypter tout ça également avec nous, et le connaissant, il a dû lire à peu près tout ce qui pouvait se trouver d'autobiographique, alors ce sera un plaisir d'aller analyser et creuser tout ça en sa compagnie à deux reprises, tout à l'heure à l'émission, et mercredi prochain à la Maison de la littérature, et également, en première partie, ils sont déjà installés, on les retrouve dans quelques instants. Francis Desharnais, un auteur BD qu'on connaît bien, qui nous a offert récemment La Petite Russie, donc est avec nous en studio. Également Anthony Charbonneau-Grenier, qui lui est chargé de projet pour Québec Ville de littérature. Vous avez peut-être vu ça passer, que ce soit de notre côté ou en général dans la sphère médiatique de Québec. Eh bien, la Ville de Québec se met en mode Petite Russie pour le mois de mars dans l'initiative Une ville, un livre. Alors, on va aller jaser de l'initiative et jaser également de comment on la lit, La Petite Russie, justement. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Donc, ça va faire un petit rafraîchissement autour de tout ça. Alors, ce sera dans quelques instants. Mais peut-être avant de se lancer, nouvelle un peu déprimante pour mal débuter notre émission, malheureusement. Mes décès, donc, d'André Chéret, qui a été annoncé tout récemment. Donc, Rahan, qui est désormais orphelin. André Chéret, qui est décédé le 5 mars dernier en région parisienne, à l'âge de 82 ans. Donc, le fils des âges farouches, qui était né en février 1969 dans Pif Gadget, avait déjà perdu son scénariste Roger Lecureux en 99. Chéret avait poursuivi jusqu'en 2015 les aventures de cet homme préhistorique aux cheveux rouges, dessinateur qui avait été élevé au rang de chevalier des arts et des lettres d'ailleurs en 2004. Et je mentionne, si jamais vous voulez replonger dans l'univers de Rahan suite à ce décès, ben sachez qu'il y a une intégrale des aventures de Rahan en 26 volumes, donc 4000 pages, qui a été publiée en 2019 chez Soleil pour le 50e anniversaire du héros. Alors si l'envie vous vient de les lire, eh bien elles sont disponibles. Alors voilà pour ce triste clin d'œil. Et en musique, cette semaine, on reste dans la 8-bit comme à l'habitude. Alors c'est la formation Bit Shifter avec l'album Activation Team qui nous accompagne au fil de l'émission. Écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD, et également nos émissions sont disponibles en balado diffusion sur WordPress, wordpress.com/ La Vie en BD. Et tel que mentionné d'entrée de jeu, donc la Ville de Québec en mars se met aux couleurs de la Petite Russie, non pas de la Russie de façon générale, à travers l'initiative Une Ville, un Livre, ou pour reprendre une expression consacrée, le Festival de la Petite Russie désormais. Alors pour en jaser avec nous, on a l'auteur du livre, donc Francis Desharnais, bonjour. Bonjour. Et également chargé de projet pour Québec Ville de littérature, Anthony Charbonneau-Grenier, bonjour. Bonjour. Et je me tournerai vers toi en premier, Anthony. En fait, Une Ville, un Livre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée que la Ville de Québec, on l'invite à lire tous ensemble un livre, dans le fond. Absolument. Une ville, un livre, c'est une initiative qui existe un peu partout à travers le monde, déjà dans plus de 300 villes. Puis comme Québec est devenu ville de littérature UNESCO en 2017, on a décidé, pour marquer le coup, de pourquoi pas nous aussi monter notre propre version d'une ville, un livre. Donc la première édition a eu lieu l'an dernier, puis c'est le roman « Les chars meurent aussi » de Marie-Renée Lavoie qui avait été mis à l'honneur en mars. Et c'est ça, comme tu le dis un peu, le but, c'est vraiment de mettre un livre à l'honneur et d'inviter tous les citoyens de la ville de Québec à le lire pour qu'après, évidemment, ce soit plus simple d'ouvrir la discussion sur ce livre-là puis que les gens puissent partager, échanger sur le livre, sur les thèmes, sur les sujets du livre. Donc, c'est un club de lecture à échelle municipale, on pourrait dire. Ouais. Est-ce que c'est le genre de choses qui sont difficiles de l'idée où on se dit, bon, OK, on est rendu dans le réseau des villes UNESCO, on veut essayer d'intégrer ça. Est-ce que ça a été facile de l'idée à la réalisation? Oui, mais évidemment, quand on a lancé le projet, on savait pas à quel point les citoyens de Québec allaient embarquer dans le projet. Puis ça a été, je dirais, la plus belle surprise de la première édition, c'est qu'il y a eu énormément d'engouement autour de cette initiative-là. Les gens ont beaucoup emprunté le livre en bibliothèque. Les rayons, là, il y en avait des livres qui avaient été achetés de façon supplémentaire en bibliothèque pour répondre à la demande. Mais malgré tout, ils étaient toujours tous sortis. Il y a eu beaucoup de ventes en librairie. Les gens ont participé aux activités. Donc, il y a vraiment eu une belle réponse de la part du public. Et donc, j'imagine, avec une réponse comme ça, ben on se dit, OK, on poursuit. Mais on amplifie aussi un peu parce que, de ce que je me rappelle, la première année, le livre nous avait été proposé comme lecteur en disant, mais voici, c'est ça le livre. Il y avait eu, c'est plus un vote spécialisé qui avait été fait, une sélection par des libraires, des spécialistes. Effectivement, la première année en 2019, c'est le milieu littéraire de Québec qui a choisi le livre qui allait gagner. Donc, essentiellement, les libraires et les bibliothécaires de la ville qui nous ont soumis une liste de livres de laquelle, finalement, est sorti le livre gagnant, « Les chars meurent aussi ». Et cette année, on s'est dit, pourquoi, si on veut faire un club de lecture à échelle municipale, à échelle de la ville, pourquoi ne pas le démocratiser encore davantage et inviter toutes les gens de la ville à voter également. Donc, après une première sélection qui a été faite par les libraires et les bibliothécaires, on a choisi 4 livres finalistes, qui étaient à 3 romans, mais il y avait aussi la bande dessinée La Petite Russie. Et là, entre ces 4-là, on l'a ouvert au vote du public et les gens ont eu quelques semaines pour se prononcer, pour voter. Et maintenant, je l'apprends à personne, hein, au terme du vote, c'était La Petite Russie qui avait cumulé le plus de votes et qui a été mis à l'honneur. Et dans un contexte comme ça, en fait, Francis, de savoir que d'un côté, ben en fait, déjà, La Petite Russie, c'est un livre qui était prisé, qui a été primé moult fois, là, en fait, prix des libraires, prix de la Ville de Québec dans les BD Escosa, prix ACBD de la bande dessinée québécoise, et je ne nomme que ceux-là, il y en a d'autres, il y a des finalistes ailleurs aussi, et là, s'ajoute justement cette initiative-là, donc Une Ville, un livre, ou de 4 propositions, c'est ton livre qui a été sélectionné. Comment on reçoit ça, dans le fond, d'emblée déjà, l'appel de « Hey, on voudrait le proposer au vote », puis le deuxième appel de « Hey, t'as obtenu le vote populaire, la faveur populaire ». Ben, dans les deux cas, j'étais très heureux parce que j'avais vu l'année dernière le lancement, si on veut, de l'initiative, puis j'avais trouvé que c'était vraiment une très, très belle idée, puis je m'étais procuré le livre, puis bon, tout ça, j'avais participé, si on veut, et là, de savoir qu'il y avait une bande dessinée dans la sélection, j'étais déjà très content, très heureux, parce que ce genre de truc, quand on est dans le milieu de la bande dessinée, on se dit, bon, OK, on sait bien, là, la BD, elle sera pas dans la gang, puis ben, c'est correct, on est habitué. Mais là, non, tu sais, là, on faisait partie, la bande dessinée était une des options possible pour le livre. Et dans un premier temps, j'étais déjà très heureux. Puis de là, de savoir que j'avais été choisi par le public, bien, c'est encore mieux, c'est encore plus le fun. Parce que là, moi, ce qui me plaît beaucoup avec cette initiative-là, ce que j'espère beaucoup, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont peut-être pas des lecteurs de bande dessinée. Il en reste encore quelques-uns qui peuvent être... qui peuvent avoir un frein un peu si on met le pied sur le frein quand il vient le temps de lire une bande dessinée. Mais là, de sentir que ben, tu as l'Institut canadien, que tu as qui est le réseau des bibliothèques, que tu as la Ville de Québec, que tu as comme toutes ces institutions-là qui se mettent derrière un livre et de dire « Hey, non! » Lisez ce livre-là, cette bande dessinée-là. Fait que c'est ce que j'ai très hâte de voir quand les cercles de lecture puis les rencontres vont commencer. C'est de voir à quel point là qu'on va ce pari-là va avoir été gagné. Oui, puis vers quel type de discussion, dans le fond, on va s'orienter, quel type de réaction, oui. Quel type d'échange ça va donner? Est-ce qu'on va parler plus des aspects visuels, des aspects narratifs, de l'adéquation entre les deux? Comment les gens, de façon générale, vont à la fois recevoir ton livre pour ceux qui l'ont pas lu, puis à la fois avoir envie d'en parler entre eux? Oui, bien sûrement que, à mon avis, l'aspect historique va probablement être l'entrée, je dirais, des discussions. Sûrement qu'on va, on va beaucoup parler de Guyenne, de la colonisation de l'Abitibi, de tout ça. Puis, éventuellement, ce que j'aimerais, c'est d'arriver à parler justement de narration, de bande dessinée, de se dire comment on raconte une histoire en bande dessinée. Juste un exemple comme ça, là, on a terminé l'accrochage de l'exposition dont le vernissage aura lieu ce dimanche. Puis je me suis arrangé pour qu'on s'est arrangé en fait pour qu'on puisse voir des photos d'archives tirées de mes des albums familiaux et qui sont vraiment mis sur les planches. Donc on peut voir ça a été quoi mes références visuelles pour faire les dessins de certains, parce que vu que c'est une bande dessinée historique, il faut que je puisse rendre l'époque, que je puisse dessiner l'époque. Donc, il y a ça, puis j'ai aussi mis des étapes de travail, des manuscrits, bon. Fait que, tu sais, j'espère que les gens vont venir, puis vont s'intéresser à l'histoire, mais qu'ils vont aussi découvrir le processus de c'est quoi faire une bande dessinée. Oui, le travail en fait derrière, autant sur les choix narratifs que tu as fait, autant sur les choix d'ambiance que tu as fait aussi, parce que c'est une BD qui est accessible par sa thématique, mais dans lequel, comme dans beaucoup de tes albums des dernières années, tu te permets d'expérimenter aussi. On en avait parlé à la sortie du titre, mais simplement les 10 premières planches où on est dans la forêt d'Abitibi, on se place dans l'ambiance. Oups, on sent que on est dans l'histoire déjà avec la narration, la tonalité est là, mais qu'il y a une volonté aussi de nous faire ressentir l'histoire différemment, et ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre par le biais de la BD, grâce à la BD, d'offrir ce type d'immersion-là. Oui, tout à fait, exactement. C'est le genre de truc que j'espère qu'on va discuter, que les gens vont me dire, voir si ça les a freinés, si ça les a... wow, est-ce qu'ils ont trouvé... Oh, il y avait beaucoup, beaucoup d'arbres hein, au début, hein? Fait que je sais pas, on va voir, tu sais. C'est le plaisir de la chose, puis c'est le plaisir aussi, j'imagine, dans le contexte d'une BD comme ça, où il y a plusieurs niveaux de discussion qu'on peut avoir, donc autant sur l'aspect formel, autant, tu le disais, Francis Desharnais, sur l'aspect historique qui est évidemment omniprésent, et autant sur l'aspect familial, parce que c'est une BD dans laquelle, sans te dévoiler toi-même, tu te dévoiles l'histoire de ta famille, de tes grands-parents, donc il y a aussi ce niveau-là de partage, de souvenirs, de relations, de l'idée de la famille, dans le fond. Ouais, ben... Il y a, oui, évidemment, ce côté-là qui je pense, peut rejoindre quand même assez, les gens d'assez près. Je pense aussi, j'ai bon espoir d'intéresser aussi la génération peut-être de mes parents qui ont connu, qui étaient jeunes dans ces années-là. Mmh. Et, parce qu'aussi, la petite Russie, ça se termine en 1967-68, et la Révolution tranquille n'est pas encore arrivée, mais elle se prépare, ça bouillonne, tu sais. Puis ça aussi, on le sent. Fait que, encore là, j'ai bon espoir que la génération de mes parents vont se retrouver là-dedans, tu sais. Donc, puis pour les plus jeunes, justement, de voir c'était quoi, dans quelle ambiance vivaient leurs parents ou même leurs grands-parents, ben ça peut être, je pense que un peu tout le monde peut y trouver son compte là dans ce. Et Anthony, on parle un peu des clubs de lecture, on essaie d'extrapoler sur ce que les gens vont dire, vont jaser, mais comment ça se passe en fait, parce que vous en avez fait aussi à la première année du défi. Oui. Ça ressemble beaucoup à un club de lecture classique, mais je te dirais que la grande différence, c'est que l'auteur fait partie du cercle. Donc, très vite, ça dévie vers des questions que les lecteurs ont envie de poser à l'auteur. Hein. C'est comme une rencontre privilégiée pour échanger sur le livre. Donc, c'est là qu'on voit, et c'est peut-être pas toujours ce qu'on pense, qu'est-ce qui retient l'attention des gens, qu'est-ce qui les stimule, qu'est-ce qui fait qu'ils ont aimé un livre et qu'ils ont envie de partager sur ce livre-là. Donc, j'ai très hâte de voir les questions que les gens vont poser à Francis. Je pense qu'on a déjà parlé de quelques sujets intéressants, là, le côté historique, le côté familial, mais je pense qu'il y a aussi le côté un peu féministe, hein, le rôle des femmes à travers les cercles de fermières, qui est très, très intéressant. Je pense que ça va rejoindre une partie du public. Il y a beaucoup de choses dans ce livre-là Oui. Puis ça offre, dans le fond, un contact privilégié, dans le fond, avec l'auteur. On a lu le livre, on peut aller échanger. J'imagine qu'il y a une étape où on peut être un peu intimidé. Tu sais, ça reste Francis Desharnais. Puis après ça, à un moment donné, dans le fond, on se laisse aller, puis ça se décoince un peu, entre guillemets, j'imagine. Effectivement. En fait, c'est moi qui les animais, plusieurs d'entre eux l'an dernier. Puis effectivement, au début, c'est beaucoup un échange qui se passait entre moi et l'auteur, mais très vite, les gens... sont fébriles puis ont envie de partager aussi toutes leurs questions puis leur impression de lecture pour avoir un retour de l'auteur. Je me rappelle avec Marie-Renée, son histoire se passait dans Limoilou. Donc les gens disaient, ben moi j'ai habité sur telle rue puis le resto que tu parles, je le connais. Puis, donc ça venait parler aux gens puis je pense qu'il y a ça aussi dans La Petite Russie. Hein. Francis en a dit un mot. Et il y a beaucoup de gens qui risquent de participer à ces cercles-là que pour eux, cette époque-là, c'est pas juste des photos d'archives. C'est des souvenirs, c'est des choses qu'ils ont connues sans que ce soit l'Abitibi, hein. Ça peut être ailleurs, mais ça va leur parler beaucoup. Et donc, j'imagine que Francis, pour toi, à la limite, ça va peut-être un peu ressembler au parcours que tu avais fait en Abitibi au lancement de La Petite Russie, quand tu avais été le lancer oui. à Guyenne et dans les environs avec des gens qui avaient littéralement vécu ce que tu racontais. Oui, ça fait partie de mes beaux souvenirs là, de le lancement à Guyenne. Puis le Salon du Livre en Abitibi aussi, où là, les gens savaient, quand ils voyaient La Petite Russie, ils savaient de quoi je parlais. Donc, c'est le fun de partager les souvenirs d'un peu tout le monde de ces époques-là. Puis d'ailleurs, il va y avoir un concours où on va inviter les gens à nous soumettre des souvenirs ou des histoires qui leur sont arrivées ou qui sont arrivées à leurs parents ou grands-parents. Et le prix, c'est que je vais l'adapter en bande dessinée, en quelques planches, là, pas en 150, mais je vais prendre quelques planches pour... transmettre leurs souvenirs à eux. Et donc, dans le fond, il y a différents volets. On a parlé un peu plus en détail des clubs de lecture. Il y a plusieurs dates, d'ailleurs, là, parce que c'est une petite tournée, pourrait-on dire. Donc, du 15 mars au 26 mars, on va à Monique Corriveau, Duberger, Étienne Parent, Saint-André, Maison de la littérature. Donc, un peu tout le monde peut y trouver son dû. Et sinon, tout est sur le web aussi. Là, prenez pas le temps de noter. C'est une ville, un livre. .ca, tout simplement. On y va, on a tous les rendez-vous. L'exposition, tu l'as mentionné au passage. Donc, ça, c'est à la bibliothèque Aliette Marchand. C'est lancé, en fait, dimanche qui vient à 15h. Ça se poursuit jusqu'au 31 mars. Donc, c'est vraiment, dans le fond, l'idée d'esquisser un peu les éléments, donc de nous introduire un peu dans ton processus créatif, de voir un peu les référents. On va chercher du matériel vidéo aussi. Donc, c'est, dans le fond, un peu de ressentir, de comprendre La Petite Russie. Oui, c'est ça. Puis, faut dire, c'est vraiment des originaux. Ce sont les vrais originaux que j'ai faits. Donc, on voit toutes les traces de crayon, le liquid paper, les erreurs, les annotations. J'ai des manuscrits, des exemples de pages manuscrites où on voit comment je conçois une bande dessinée comme La Petite Russie. L'extrait vidéo, c'est parce que dans le livre, je reprends une scène du film Les Brûlés de Bernard Develin, puis je l'ai vraiment repris plan par plan dans la bande dessinée. Alors là, on peut comparer les deux en même temps. On peut regarder la BD, puis on peut regarder l'extrait vidéo et voir l'adaptation que j'en ai fait. Donc, c'est un peu tout ça que j'avais envie de présenter aux gens, plus les photos d'archives comme je disais. Il y a un petit coin lecture aussi. On va pouvoir lire. Ceux qui n'ont pas lu La Petite Russie vont pouvoir le lire. J'ai laissé aussi une copie du livre de mon grand-père sur lequel je me suis basé pour faire la bande dessinée, qui va aussi être disponible à la lecture. Donc, je pense que c'est assez complet, je trouve, comme exposition dans un chouette espace avec une belle lumière puis tout. Là. Oui, puis j'imagine pour toi, ça devient intéressant comme exercice parce que c'est une occasion de replonger justement dans tes notes, de replonger dans tes esquisses, oui. d'essayer de comprendre comment, parce que c'est la création de La Petite Russie, ça s'est pas fait sur 6 mois. Là, on parle du travail de quelques années. Ça a été 2 ans. Ça faisait plus longtemps que ça que j'y pensais. Mais oui, c'est toujours un... C'est quand même plaisant là, de retomber dans tout ça. Là. Des beaux souvenirs. et en plus, pour toi, dans la mesure où les gens qui te découvrent avec La Petite Russie, après ça, s'ils tombent dans d'autres éléments de Francis Desharnais, vont découvrir aussi différents volets, parce qu'on parlait d'expérimentation à l'intérieur de La Petite Russie, mais d'album en album, on n'a pas l'impression que tu restes assis tant que ça sur un style, sur un genre, sur une approche. Tu as eu un bon succès avec Burkett, tu aurais pu poursuivre dans cette veine-là, mais non, oups, on se retrouve avec Modèle Galactique dans un autre autre genre encore humoristique. Après ça, oups, on va faire une certaine recherche plus minimaliste, si on peut dire, avec La Guerre des Arts, avec les premiers aviateurs. Après ça, oups, d'une forêt vers le documentaire. Après ça, La Petite Russie, un récit personnel. Donc, je veux dire, en fait, j'ai l'impression qu'en creusant ou en invitant les gens à creuser à travers l'œuvre de Francis Desharnais, on va chercher quand même différents possibles autour de la bande dessinée, puis un panorama quand même assez je dirais pas complet, mais assez large. Oui, ben c'est sûr que c'est une des choses que j'espère, en plus de faire lire La Petite Russie, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de poursuivre puis de découvrir le reste de mon travail, qui, je crois, est quand même accessible, qui se lit bien même dans les propositions peut-être plus formellement... moins évidente, on va dire, comme mettons La Guerre des Arts. Oui, mais t'as quand même les jokes d'îlots de cuisine. J'ai des jokes d'îlots, puis des jokes d'IKEA, puis Céline Dion, fait que, ça reste très accessible. Il y a tout ce qu'il faut. Mais, fait que oui, c'est sûr que dans un monde idéal, j'espère que les gens vont continuer. Mais ça, on va voir. Oui, puis en fait, puis j'imagine pour toi, si on jase un peu de ces sauts de perche, est-ce qu'il y a une volonté d'expérimenter avec le médium, de constamment te renouveler, de ne pas créer une routine? Je veux dire, parce que ça reste, on pourrait dire presque des phases, si on se faisait un peu Michel Giguère, qu'on poussait plus loin l'analyse, là, ça fait presque quand même que des phases de création, des étapes, des recherches formelles. Oui, ben c'est que chaque histoire... Chaque histoire a sa façon à elle d'être racontée. C'est un peu étrange. Puis aussi, je réalise que chacun de ces séries ou de ces livres-là ont leur façon propre d'être créés. J'ai pas réussi à trouver la recette qui me colle le mieux puis que je vais utiliser tout le temps. J'ai travaillé d'une certaine façon pour Burkett, d'une autre pour Motel Galactique, d'une autre pour La Guerre des Arts. Fait que tout ça fait que on dirait que le prochain livre, que ben le prochain, je sais déjà comment on va travailler. Ça va être avec Alexandre Fortin-Rousseau, donc ça va être un peu comme les premiers aviateurs. Mais l'autre d'après, j'ai aucune idée ça va être quoi la méthode de travail encore. Fait que j'imagine que quand je vais avoir pensé comme faut à l'histoire que je vais raconter, la méthode de travail va s'imposer ou va guider un peu la façon de la raconter. En tout cas, c'est peut-être un peu abstrait, là, mais... De se laisser un peu inspirer par le contexte, suivre par le contexte d'une certaine façon. C'est ça. Puis le type d'histoire va changer aussi, le type de récit. Donc, parce que là, le prochain projet un peu d'envergure que j'ai, j'aimerais ça faire une histoire d'amour. J'ai jamais fait ça. Je suis bien curieux de savoir si je suis capable de faire de quoi, parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'histoires d'amour qui existent. Fait que là, OK, tu sais, comment je fais pour être un peu original là-dedans? Fait que j'imagine que ça va m'apporter, ça va m'amener à des places que j'avais pas pensé, puis ben on verra bien. Oui, puis j'imagine que le fait justement d'avoir fait évoluer ton dessin aussi au fil de ces expérimentations-là, au fil de ces travails-là, vers quelque chose d'un peu plus réaliste, détaillé, dans le fond, comme avec La Petite Russie, comme en parallèle avec ton travail d'esquisse aussi, j'imagine que ça t'amène aussi à pouvoir attaquer d'autres types de sujets ou à d'autres traitements. Ouais, ou ça, d'autres... J'ai hâte de voir, par exemple, le réalisme, à quel point que je vais l'exploiter. Je vais l'exploiter. Moi, je trouve que je voulais un peu libérer, entre guillemets, mon dessin. Je voulais le rendre plus spontané, puis je trouve pas que je suis encore arrivé. Fait que je pense que ça va être d'essayer d'encore plus être spontané, d'avoir un dessin vraiment plus libre encore et moins... Je trouve que je suis encore trop proche de la ligne claire à mon goût. Fait que c'est quelque chose de laquelle je veux essayer de casser une fois pour toutes, là. Donc, on reste un peu, en fait, c'est pas avec La Petite Russie que tu vas t'asseoir, parce que justement, t'as l'impression que t'as encore du chemin à faire pour arriver au Francis Desharnais auquel t'as envie d'arriver, oui, instinctivement. Que je veux être quand je vais être grand. Et donc, dans le contexte de ça, d'ailleurs, en fait, avec l'exposition, donc on découvre un peu une méthode, une approche avec un exemple d'album et comment on le comprend, mais ça devient aussi assez représentatif d'une démarche de travail. Si, dans le fond, la démarche influence, dans le fond, l'approche de création, mais il y a une belle richesse aussi là-dedans pour le lecteur, parce que, justement, ça nous ouvre une certaine forme de coulisses. Ben oui, puis j'espère que ça va nourrir la lecture ou la relecture. Donc... Et c'était un peu nécessaire aussi, en parallèle, tu parlais des Brûlés, vous avez choisi de le programmer à la Maison de la littérature le 25 mars, justement, le film est cité dans La Petite Russie, alors dans le contexte du festival La Petite Russie, c'est un peu logique d'intégrer le film. Absolument. Puis la citation dans le livre de Francis est tout sauf gratuite, non seulement parce que le film a été tourné en Abitibi, que Félix Leclerc a rencontré les grands-parents de Francis, mais tout le livre, finalement, est sur un sujet qui est assez près de celui de la petite. Tout le film, excusez-moi, est sur un sujet qui est assez proche de celui du livre, c'est-à-dire la colonisation de l'Abitibi. Donc, pour les gens qui ont lu La petite Russie de Francis Desharnais, qui ont envie de voir des images d'époque, de voir Félix Leclerc se promener comme comédien dans l'Abitibi de l'époque, je pense que c'est un très beau complément, là. Et ça, est-ce que tu vas assister aussi à celle-là ou tu laisses le public s'interpréter par lui-même? Moi, malheureusement, conflit d'horaire, je pourrais pas présenter le film, mais le film n'a pas besoin de moi là, pour être apprécié. Oui, puis au pire, tu feras une vidéo comme Céline Dion. Là. Genre. Et évidemment, ça va se clore avec une grande rencontre à la Maison de la littérature également. Donc, sur uneville-unlivre.ca, on trouve un peu toute l'information. Et dans le fond, c'est vraiment une opportunité d'aller à la rencontre de Francis Desharnais et Anthony Charbonneau-Grenier. J'aurais presque envie de te laisser un peu le mot de la fin, dans le fond. J'imagine qu'il y a un plaisir à participer comme ça à une initiative collective, à signifier qu'on est en train de lire le livre, à aller participer aux rencontres. C'est comme un trip de gang, dans le fond, qu'on s'offre avec ça. C'est ce qu'on essaie de créer. Je te dirais, la grande ambition derrière ça, ça serait qu'on puisse croiser quelqu'un à l'arrêt d'autobus à Québec, puis au lieu d'y parler du temps qu'il fait ou du dernier match des Canadiens, mais dire on est en mars, tu l'as, petite Russie. Ça, c'est comme le rêve derrière, mais le but, c'est aussi effectivement de créer une espèce d'engouement autour d'une œuvre, de susciter la discussion. Donc, évidemment, on invite les gens à lire La petite Russie, à participer aux activités pour échanger autour de ce livre-là, pour en apprendre plus sur ce livre-là. Puis, on les invite aussi, évidemment, à participer au concours là, dont Francis a dit un mot, puisqu'on a tous une histoire sur quelqu'un autour de nous qui a vécu quelque chose d'intéressant, dont la petite histoire se mêle à la grande histoire du Québec. Oui, puis ça peut être un méchant trip aussi de voir comment, après ça, un auteur va interpréter cette histoire-là pour créer une narration séquentielle, dans le fond. Absolument. Alors, l'invitation, elle est lancée. Donc, je rappelle le site uneville-unlivre.ca. Anthony Charbonneau-Grenier, Francis Desharnais, merci à vous deux. Merci à toi. Et je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1. C'est La vie en BD qui se poursuit. BD ici sur CKRL 89.1. Évidemment, début mars oblige, je pense que des sujets qui sont incontournables. C'est entre autres le cas des prix BDIS Causa, donc les finalistes qui ont été annoncés tout récemment, des prix que pour une nouvelle année j'ai le plaisir de coordonner. Alors je rappelle que ces prix sont offerts par le biais de Québec BD et les nominations, les finalistes sont sélectionnés et les gagnants-gagnantes par un jury composé de libraires et de chroniqueurs spécialisés. Évidemment, pour le jury, et j'en témoigne de manière directe, ça a été une lourde tâche cette année. Ma foi a fait un bel essor pour le 9e art qui se poursuit année après année et beaucoup d'auteurs qui nous ont offert des moments de lecture mémorables. Alors, c'est des prix qui ont un riche héritage, en fait, qui sont remis depuis 1988. Et, on vise à travers les BDIS Causa à récompenser ce qui se fait de mieux en matière de bande dessinée et plus particulièrement en matière de bande dessinée québécoise. Québécoise. Alors, il y aura 8 prix qui seront remis lors de la cérémonie qui va se dérouler au Musée de la Civilisation le vendredi 17 avril prochain, 19h. D'ailleurs, vous êtes tous et toutes cordialement invités. Il y a, entre autres, également un prix pour lequel des jeunes auteurs qui sont en construction de projets, donc pour lequel ils peuvent déposer, c'est le prix Jacques Urtubise, donc destiné à la nouvelle création, qui est accompagné d'une bourse de 1 000 $ remise par la librairie Pantoute. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce prix ou postuler, eh bien, c'est sur québecbd.com que vous allez trouver l'information. Alors, sinon, je mentionne aussi que le prix Traduction s'est enfin trouvé un nom après quelques années. Alors, c'est devenu le prix Roberto Wilson. Roberto Wilson, donc question de souligner la part de cet auteur arrivé au Québec en 1952, qui est le premier auteur d'origine haïtienne à avoir publié de la bande dessinée au Québec, notamment la série Les aventures de Robert et Roland. Donc, en plus d'avoir été un résident de Québec, un auteur marquant de son époque, c'est également pour Québec BD une occasion, à travers le nom de ce prix, de souligner la part d'un créateur issu de l'immigration. Alors, on ferme les parenthèses. Si vous ne les avez pas vus passer, je passe rapidement en revue les finalistes. Et en fait, pour moi, ce type de liste-là, c'est d'abord et avant tout une liste de suggestions de lecture. Donc, on a des libraires, on a des chroniqueurs spécialisés, on a des lecteurs, des acheteurs BD qui ont porté un regard sur, quand même, de manière assez large et très large, la production québécoise. Alors, voyez-la comme une liste de suggestions et je pense que vous pouvez aller chercher l'essentiel de ces livres-là, voir la totalité de ces listes-là et vous allez avoir un beau moment de lecture. Alors, pour le Grand Prix Ville de Québec, ça, c'est le meilleur album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. Alors, les finalistes, c'est « Comment les paradis fiscaux ont ruiné mon petit déjeuner » de François Sanson Dunlop, d'après Alain Deneau. Donc, une BD documentaire sur les paradis fiscaux, avec une légère trame narrative également. Donc, une belle proposition. « Paul à la maison » de Michel Rabagliati, dont on a parlé ici à l'émission. Donc, une BD dans laquelle on retrouve un Paul qui réfléchit au bout du compte sur la solitude, entre autres éléments. Il y a Contact de Mélanie Leclerc, superbe bande dessinée qui s'intéresse à la transmission d'une passion entre un père et sa fille sous fond d'histoire du cinéma et de l'image au Québec dans les années 70. On a Jour d'attente de Simon Leclerc et Thomas Desaulniers-Brousseau, donc qui nous amène dans un huis clos, d'abord à caractère un peu historique et personnel, mais éventuellement avec des volets fantastiques. Et on a la trilogie Rédemption de Leif Tand, qui nous offre une expérience qui va du western à la descente aux enfers, dans un contexte visuellement assez saturé, une belle exploration visuelle également. Donc bref, ça c'est les 5 finalistes pour le Grand Prix Ville de Québec. Sinon, le prix Réal Filion, donc pour auteur canadien, scénariste ou dessinateur, s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel, on a Marie-Noëlle Hébert pour La Grosse LED, donc ce beau récit intimiste autour, entre autres, de questions liées à la grossophobie, à l'image de soi. On a Brigitte Archambault pour le projet Shiatsung, autre superbe bande dessinée qui nous pose de grandes questions sur notre relation avec les écrans. Et on a Stéphane Lemardelé pour Le Nouveau Monde paysan au Québec. Encore là, une superbe proposition qui nous amène à la rencontre de paysans, à la rencontre d'un monde agricole qu'on ne connaît pas, qui est en dehors des grands monopoles. Alors, 3 albums incontournables. Sinon, le prix Yvette Lapointe, meilleur album de jeunesse de langue française publié par des auteurs canadiens. Alors là, on a Si on était d'Axel Lenoir, on a Mort et déterré de Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron, Guibi le super bébé, tome 1, donc de Sam Barr, Humerlin, le tome 2 de Jean-François Liberté et Sacha Lefebvre, et également le tome 2 d'Aventurosaure de Julien Paré-Sorel. Et contrairement aux autres prix, celui-là, il est choisi, en fait, du moins, les finalistes sont choisis par le jury, mais les gagnantes sont choisies par des jeunes. C'est des jeunes de l'école Jeunes du Monde dans le quartier Maiseret qui en font la sélection pour une deuxième année d'ailleurs. Sinon, le prix Albéric Bourgeois, meilleur album de langue française publié à l'étranger par des auteurs canadiens, dessinateurs ou scénaristes. Vous avez Zaroff de François Miville, Deschênes et Sylvain Runberg, superbe bande dessinée d'action. Vous avez Des Vacheries des Nombris, tome 2 de Delaf et Dubuc, dans lequel Delaf et Dubuc encore nous amène à réinventer un peu la structure de la BD à gag en ajoutant moult dimensions. Également Mort et déterré, tome 1 de Jocelyn Boisvert et Pascal Colpron, qui amène un public jeunesse des réflexions assez denses quand même sur la mort dans un contexte humoristique, dans le contexte d'une BD d'action. Donc quand même aussi une très très belle proposition. Et enfin, les deux prix coup de cœur, donc le coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger par un auteur non canadien, ou prix Maurice Petit-Didier. Donc là, vous avez préférence système d'Hugo, bienvenue. Donc, réflexion sur les données, ce qu'on conserve, ce qu'on pourra conserver dans l'avenir. Vous avez dans la tête de Sherlock Holmes, de Cyril Hieron et Benoît Dahan, qui réinventent un peu la manière de raconter une histoire de Sherlock Holmes. Également, le royaume de Blanchefleur de Benoît Ferroumont, qui nous offre une ode à son univers et vraiment un récit enlevant pour les 7 à 77 ans. Et donc pour le prix Roberto Wilson, qui est donc coup de cœur pour un album publié en français issu d'une traduction, vous avez In Waves d'A.G. Dungo, un album profondément émouvant entre surf et histoire d'amour et réflexion sur la vie et la mort. Vous avez Speak d'Émilie Carole, un album prenant qui amène de belles réflexions aussi sur le viol, sur la capacité de prendre la parole, sur la victimisation des victimes, sur... bref, en fait, beaucoup d'enjeux autour de ça, une BD très riche. Et également Les montagnes hallucinées de Gu Tanabe, où là, on a une superbe, superbe adaptation manga d'un récit de Lovecraft. Alors voilà, il y aura également le prix Albert Chartier, attribué chaque année en hommage à un individu ou à un organisme ayant marqué le monde de la bande dessinée francophone au Québec, qui sera offert. Alors voilà pour les prix BDIS Causa. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter sur le site de Québec BD, ils y sont également sur notre blog. Donc c'est très facile à trouver et c'est l'objectif justement que ce soit facile à trouver. Alors on vous souhaite évidemment une bonne lecture de ce côté. Bit Shifter qui nous accompagne ici à la vie en BD alors qu'on amorce la presque dernière ligne droite de l'émission, et on l'amorce toujours dans le plaisir puisque Michel Giguère est avec nous en studio. Michel, bonjour. C'est pas Philippe Girard non plus. Non, c'est Michel Giguère. J'ai voilà. Juste mes lunettes et les écouteurs en même temps. C'est ça, toute ça une opération. Défi en soi. Oui. Alors, en fait, Michel, gros programme encore une fois. Je dis ça et je le mentionnais en d'entrée de jeu un peu à la blague en me disant que, puisque tu te lances un peu dans l'autobiographie et l'autofiction, donc tu as pu te gorger de lecture. Je veux dire, il y en a des masses et des masses d'autobiographies en BD, un genre foisonnant depuis 25 ans, un genre qui va être à l'honneur le mercredi 11 mars, 19h à la Maison de la littérature. Comment tu t'es dépêtré un peu là-dedans, là, je veux dire? C'était un petit peu dément, effectivement. Je t'avoue que dans ma préparation, qui dure toujours un mois, hein, je me suis d'abord jeté dans la lecture de dizaines et de dizaines d'albums sans me donner de recul pour avoir une vue d'ensemble. Tu sais, tu traces ta route, là, puis c'est la fuite en avant. Et puis, à un moment donné, il y a une couple de jours, j'ai eu un petit frisson de panique, mais bon, c'est passé, là, ça va mieux. Et dans l'oublier d'ailleurs aussi, tu ne te donnes pas la tâche très facile dans la mesure où tu abordes de front l'autobiographie et l'autofiction. Peut-être d'entrée de jeu, en fait, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, faisons les distinctions. Donc, un moment, définition, autobiographie, autofiction. Comment tu nous définis ça? Qu'est-ce qui les distingue? Ben, l'autobiographie, pour une, est mieux connue du public. Je la résumerai comme suit. C'est le récit qu'un individu fait de sa propre vie. Bon, l'autofiction. Comme le mot le dit, c'est en quelque sorte la version fictionnalisée de l'autobiographie, ou plus simplement, c'est une histoire vraie dans laquelle on injecte une dose d'invention, une dose plus ou moins importante selon les cas. Par exemple, mettons que je raconte différentes expériences que j'ai vécues, je les ordonne d'une certaine manière, j'exagère par-ci, je resserre par-là, je prends une liberté par-ci, je prends un raccourci par-là. On va dire que l'histoire est romancée hein, dans le langage courant, ou alors que c'est organisé avec le gars des vues. Exactement, c'est ça. Dans le métier, on va parler de dramaturgie, qui est l'art d'organiser les éléments d'une histoire. Dans le cas d'une histoire vraie, on peut dire qu'on organise les faits, de manière à favoriser l'impact dramatique ou, pour être plus terre-à-terre, là, de manière à susciter l'intérêt du lecteur et de la lectrice. Pour donner un exemple concret, mettons, prenons « La petite Russie » de Francis Desharnais. Et oui, on va encore en parler, on n'a pas fini d'en parler ce mois-ci, là. Alors, Francis m'avait demandé d'agir comme, si tu veux, comme premier lecteur pour son projet. Quand il m'a envoyé son découpage, j'ai jugé important d'aller à rebours par rapport au processus habituel de création d'une BD. C'est-à-dire que j'ai reculé pour monter un séquencier de son récit. Normalement, on le fait au préalable, mais bon, c'est un exercice qui était quand même intéressant. J'ai identifié et résumé chaque séquence sous forme de tableau. J'ai ensuite fait voir le tableau à Francis. Là, on était dans la structure du récit, strictement dans la structure, plus du tout dans la manière de raconter. Donc, il n'y avait plus d'interférence de la narration. Et là, j'ai fait remarquer à Francis, entre autres, qu'il y avait deux événements qui constituaient des moments forts de son histoire, mais que ces deux événements-là étaient très rapprochés l'un de l'autre par rapport à l'ensemble de l'album. Alors, je lui ai proposé de les éloigner pour équilibrer le rythme et mieux répartir l'intensité dramatique. Donc, on a, si tu veux, trituré un peu la chronologie des faits rapportés par son grand-père dans son livre au profit de la dramaturgie. Et ce faisant, je pense pas qu'on ait trahi le témoignage de son grand-père ou que le récit soit moins vrai. Et par ailleurs, et ça, j'ai rien à voir là-dedans, mais Francis a choisi de donner plus de place au personnage féminin dans son album, dans la même optique, c'est-à-dire de rendre le récit plus accrocheur, dramatiquement plus parlant. Et si je te garde, Michel, dans les définitions, en matière d'autobiographie, qu'est-ce que tu dirais qui distingue, dans le fond, peut-être la bande dessinée de l'ouvrage en prose, de l'écrit, de l'autobiographie en film, que ce soit un documentaire, un biopic, qui serait tourné par un cinéaste qui raconte sa propre vie, exemple? Mm-hmm. Ça va de soi de répondre le dessin. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, là. Alors, mais encore. En fait, ta question est très pertinente. À l'écrit, c'est une voix qui parle au lecteur et à la lectrice. On est presque dans l'oralité. Ça a l'air paradoxal, mais ça a beau être couché sur le papier sous forme de caractère imprimé, en bout de ligne, c'est l'auteur qui te dit à l'oreille « Écoute, je vais te raconter ma vie. » Faut avouer que c'est assez magique quand on pense que c'est juste des signes qui sont l'alphabet, là. Dans un film, c'est très différent. Le personnage et ses proches sont incarnés par des comédiens. On dit que ce sont des interprètes, donc les acteurs, les actrices interprètent leur rôle. Eh bien, interpréter, c'est déjà s'éloigner de la réalité. Si à ça t'ajoutes la musique, les éclairages, la belle photographie, eh bien t'ajoutes la dimension très enveloppante, multidimensionnelle du médium cinéma, à moins que ce soit un film d'une absolue sobriété, là. Donc, tout cet enrobage-là oriente et colore le récit en fonction de la vision de l'équipe de production. Et ça éloigne le récit, probablement, de la réalité. L'extrême, à contrario, l'extrême dépouillement du médium écrit amène le lecteur à recréer lui-même ses propres images, qui sont teintées forcément par son expérience personnelle. Et là encore, on se distancie de l'histoire réelle originale. En BD, la particularité, c'est la représentation. La monstration, comme on lit dans les ouvrages spécialisés en cinéma, là, les personnages ne sont pas incarnés ou décrits, ils sont représentés. Le BDiste, autobiographe, se montre lui-même et montre ses proches en dessin. Il n'est pas rare, on va le constater mercredi prochain, que le BDiste qui raconte sa vie soit seulement le scénariste. En quel cas, c'est quelqu'un d'autre qui le représente et qui transpose son histoire en images. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces considérations-là contribuent encore à installer une distance avec la réalité. Le dessin, il peut être perçu par bien des gens comme un artifice, il amène une part d'abstraction, mais à cet égard-là, là où la BD est, à mon avis, fantastique en tant que médium, c'est que moins le dessin est réaliste, moins on se questionne sur la véracité ou la vraisemblance, parce qu'on est à ce moment-là seulement dans l'authenticité de ce qui est raconté. Prenons pour exemple la série Paul. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps encore de lire Paul à la maison, parce que comme je connais très bien la série, j'ai priorisé les trucs à lire que je connaissais pas déjà. Mais je sais que cette histoire-là va me déchirer en deux parce que Rabagliati est un maître de l'autofiction. Eh bien, le dessin dans Paul est très graphique. D'ailleurs, Rabagliati est lui-même graphiste de formation. C'est un dessin presque géométrique. Comme expliquait Scott McCloud dans L'Art invisible, eh bien, le visage simplifié d'un personnage de BD devient un genre de masque où on peut voir le visage de tout et chacun, à commencer par son propre visage. En d'autres termes, l'identification marche à plein. L'illustration peut-être la plus radicale de ce procédé-là, c'est la BD Maus de Spiegelman. Les Juifs sont des souris, les nazis sont des chats, et les lecteurs sont complètement embarqués et bouleversés quand même. D'ailleurs, le parti pris animalier dans la BD autobiographique est assez gagnant merci. On n'a qu'à penser à Trondheim, à Cyrus, à Ali Brush avec son hyperbole, entre autres. Mais en même temps, dans tout ça, dans le fond, mercredi prochain, on le disait d'entrée de jeu, tu as choisi de séparer et de présenter l'autobiographie et l'autofiction. À la limite, à t'entendre, j'ai presque envie de te dire t'en aurais eu pour deux soirées, là. Oui, facile. Mais, écoute, il y a des choses que j'ai écartées comme les récits de voyage. Je les avais déjà écartés des diaposconférences qui portaient sur le documentaire et les reportages, parce que je me suis dit, j'ai assez de matière pour faire une soirée, mais là, c'était plus facile de les distinguer, de les discriminer. Pour ce qui est de l'autofiction, ben, il y en a d'aucuns qui considèrent que c'est un sous-genre de l'autobiographie. Moi, personnellement, je crois que les frontières qui délimitent autobiographie et autofiction sont tellement poreuse, tellement floue, discutable, que l'exercice est un peu vain de faire le tri pour mettre ce qui est autobiographique d'un bord puis autofictionnel de l'autre. Il va y avoir plein d'exemples mercredi prochain là, de trucs qui ont l'air très collés sur la réalité, puis en prémisse, l'auteur te dit dans un paragraphe, les noms ont été changés, la chronologie des événements a été changée, etc., etc. En littérature comme en BD, la lectrice ou le lecteur est absolument pas en mesure d'évaluer cette vérité-là, à moins qu'on soit des proches de l'auteur. Et puis là encore, on n'aurait que notre partie de l'histoire. Comment témoigner du degré de véracité de ce qui est raconté? Moi, le premier, j'en suis incapable. Et puis d'ailleurs, dès qu'on raconte sa vie, on est loin de produire un rapport de police qui reconstituerait fidèlement les faits, là. On relate des souvenirs plus ou moins lointains, dont on se souvient avec une exactitude toute relative, puis avec une objectivité à peu près impossible. Et dans ça, il y a aussi, par exemple, le journal, dans lequel un auteur là, va se raconter plus au jour le jour, donc l'aspect chronologique qui est plus important. Il y a un passage du temps qui éloigne les événements, puis la mémoire qui va, j'imagine, aussi réarranger dans le travail, si on essaie de se reporter dans une réalité d'un journal qu'on n'a pas véritablement tenu. Ben, si on le tient au jour le jour, la mémoire opère moins, puisque là, on évoque des choses qui viennent d'arriver. Puis en même temps, à ce moment-là, on est dans la subjectivité jusqu'au cou. On n'a même pas le recul que nous donnent les mois ou les années qui ont passé. Alors, c'est juste une opinion. Mais moi, je demeure persuadé qu'il n'y a pas d'autobiographie sans fiction, sans dramaturgie. Et puis à l'opposé, je suis tout aussi persuadé que les œuvres ouvertement fictionnelles, dès lors qu'elles mettent en scène le quotidien, sont, au fond, largement autobiographique. Ça va de Calvin et Hobbes à Monsieur Jean, tu vois, c'est large. Et Monsieur Jean, en fait, de Dupuis et Berberian, qui, pour l'essentiel, est une série des années 90. Et si on fait un peu d'historique aussi, Michel, c'est aux années 90 que remonte la vague d'autobiographie dans la BD francophone, mais la BD autobiographique, elle, remonte comme telle un peu plus loin. Oui. Et puis, c'est pas une naissance clarinette, il n'y a pas un titre fondateur, une œuvre originale. Encore une fois, on est dans le flou, décidément, avec la BD autobiographique. Elle s'esquisse dans les vapeurs d'alcool et de drogue des années 60, à l'époque du Flower Power, l'époque dite de la révolution contre-culturelle. Aux États-Unis d'abord, et puis au Québec, qui s'en inspire assez rapidement. Les photocopieurs se multiplient dans les villes puis sur les campus, de sorte que les marginaux du mouvement underground peuvent s'exprimer dans des pages de fanzines bricolées à peu de frais. Ils parlent de ce qu'ils vivent, mais dans une optique de contester l'ordre établi, de bousculer les idées reçues. Alors, personne qualifie ça, à ce moment-là, d'autobiographique. Rétrospectivement, oui, il y a certains spécialistes puis certains BDistes qui l'ont fait en identifiant tel ou tel BD de cette époque-là. Notamment, trois titres de 1972 qui marqueraient un peu les débuts officiels. Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary de Justin Green, The Confessions de Robert Crumb et Prisoner on the Hell Planet de Spiegelman, déjà. Et cette mouvance-là de la BD alternative, Underground, va inspirer Harvey Picar avec son American Splendor à partir de 1976, ou encore Will Eisner à partir de 1978. En Europe, il y a l'Espagnol Carlos Jiménez qu'il faut mentionner. Il puise dans ses cauchemardesques souvenirs d'enfance et publie Paracuelos à partir de 1977. J'ai très hâte de vous présenter ça. Au Japon, il y a Yoshiharu Tuji qui, dans les années 80, fait la même chose. Angoulême, d'ailleurs, vient de l'honorer pour l'ensemble de sa carrière. Au Québec, il faut pas oublier que Sylvie Rancourt, qui était une effeuilleuse et qui a fait de la BD en dilettante, mais qui restera pour toujours une pionnière avec Mélodie, qui est parue à partir de 85. Et, encore une fois, Art Spiegelman, qui aura plus de résonance que tous les autres, avec son Mouse à partir de 86. Et du côté francophone, en fait, l'essor du genre autobiographique en France va faire plus, on le dit, dans les années 90, entre autres par l'entremise de structures éditoriales émergentes ou indépendantes. On pense à l'association Cornelius Sama, Quatrabile, ou Ego Comics, qui, du temps de son existence, se spécialisait carrément dans l'autobiographie. Tout à fait. Et puis, les titres phares de cette période-là sont L'ascension du haut mal de David B., Persepolis de Marjane Satrapi, qui a été un immense best-seller, Le journal de Fabrice Nault en plusieurs tomes, Approximativement de Lewis Trondheim, Journal d'un album de Dupuis Berberian, Pilule bleue de Frédéric Peters, sans oublier Edmond Baudouin, qu'on est porté souvent à oublier parce qu'il est un peu un électron libre. Du côté anglophone, il y a l'éditeur montréalais Drawn and Quarterly qui a été un joueur clé dans le déploiement de la BD autobiographique avec notamment les Canadiens Seth et Chester Brown et les Américains Joe Matt et Craig Thompson et plus tard Julie Doucet et compagnie. Et évidemment, à travers tout ça, Michel, je pense autant dans les années 70, 80 que 90, on va chercher un peu dans les trucs alternatifs, si on peut dire. Et on a parlé aussi d'une explosion, voire d'une omniprésence de genre-là. Donc, si on va dans les dernières années, est-ce que tu aurais peut-être dans les grands succès du genre qui sont peut-être trop populaires pour être considérés aujourd'hui comme alternatifs, puis trop récents pour être considérés comme des classiques? Oui. Ben, il y a la série L'Arabe du futur de Riyad Satouf qui fait un malheur. Il est rendu à quoi? Quatre tomes, hein, je pense. Si je me trompe pas, oui. Le bouleversant La légèreté de Catherine Meurice, qui a eu un succès public et critique considérable sur les lendemains de l'attentat à Charlie Hebdo. La série Notes de Boulet, d'abord en blog et puis ensuite en album papier. Le combat ordinaire de Larsenet, dont je garde un souvenir impérissable. Le délirant Hyperbole d'Ali Brush, gros succès international aussi. Du côté québécois, le touchant Vogue le navire de Cyrus, qui a récolté plusieurs distinctions. Qu'est-ce que j'ai dit? Vogue le navire, mais c'est Vogue la valise. Vogue la valise. Ouhou! Vogue le navire, ça ne serait pas très original. Ping Pong de Svian, qui a un caractère autobiographique indéniable, même si c'est un peu un ovni. Et puis, personnellement, j'ai adoré Les petites victoires d'Yvon Roy, un album qui a l'air d'avoir pas mal de résonance auprès des parents d'enfants autistes, un peu comme le fait aussi le témoignage du français Fabien Toulmé avec Ce n'est pas toi que j'attendais, mais là, dans ce cas-ci, par rapport à la trisomie. Il y a également plusieurs récits où l'histoire personnelle se vit à l'ombre de la grande histoire. Je vais en faire un chapitre mercredi prochain. En Pologne, en Irak, à Taïwan, au Vietnam et ailleurs. En fait, là, il y a près de 90 titres que je vais présenter avec extraits projetés sur écran et sans jamais utiliser le terme roman graphique. parce que le roman graphique n'existe pas. Et voilà. Selon de tes conférences. En fait, donc, je pense qu'on prend conscience de l'ampleur des sujets qui vont être abordés mercredi prochain. Et il nous reste plus qu'à lancer l'invitation. Donc, c'est Il était une fois soi-même, autobiographie et autofiction. C'est au rendez-vous de la BD. C'est mercredi 11 mars, 19h, à la Maison de la littérature. C'est gratuit, on arrive tôt, ça commence à l'heure. Et pour les présents, il y a un album tiré au sort, courtoisie également de la librairie Pantoute. Oui. Alors, un beau programme en perspective et une belle occasion d'aller à la rencontre de ce style en ta compagnie, donc mercredi prochain. Michel Giguère, merci. Merci de m'accueillir, Raymond. Puis au mois prochain. Oui, sans faute. Alors nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera l'occasion d'aller à la rencontre de la programmation du Festival de la bande dessinée du Festival Québec BD, donc dont la programmation sera complétée sous peu. Alors Thomas-Louis Côté, le directeur général du festival, sera avec nous pour en parler. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.